Corona erwies sich als ein weltweites. Le Covid s'est révélé être une expérience humaine mondiale avec des mesures désastreuses imposées qui nécessitent une profonde remise à jour. À l'époque déjà, on a purement et simplement ignoré les mises en garde véhémentes des experts, ainsi que la méfiance intuitive exprimée par beaucoup, selon laquelle quelque chose n'allait pas. La vaccination par ARNm en particulier a été rejetée pour de bonnes raisons par des personnes éclairées et des médecins consciencieux. Malheureusement, ils ont été massivement persécutés par la justice et les autorités à cause de cela. Le docteur Heinrich Habich, par exemple, a été condamné à une peine de prison de 2 ans et 10 mois en juin 2023. Non pas parce qu'il aurait commis un délit ou serait devenu un criminel, pas du tout. Mais c'est parce que des patients venaient le consulter qui se trouvaient dans une situation de détresse extrême en raison de la pression vaccinale encouragée par l'État. Le docteur Habich, qui se savait tenu par son serment d'Hippocrate, a cherché avec eux des solutions et leur a délivré des certificats de vaccination pour soulager leur détresse. Et bien qu'il ait déjà été officiellement confirmé en avril 2023 que la vaccination était dangereuse et que l'Office fédéral de la santé publique ne recommandait plus la vaccination, il a quand même été condamné en juin 2023. À cette absurdité s'ajoute le fait qu'actuellement, les médecins qui continuent à vacciner sont désormais responsables. Qui doit aller en prison maintenant? Ceux qui ont finalement suivi leur serment et leur conscience et qui ont agi instinctivement de manière correcte et humaine? Ou ceux qui ont mis en œuvre par la force des programmes de vaccination et ont causé des millions de dommages?